C'est le D, c'est le AK. On le fait ou pas? Encore une connerie. On le fait ou pas? Snapchat. Garden Record. Garden Record. Yesh Kalmoya, ça y est. Toutes les gommes m'ont validé. Yesh Kalmoya, ça y est. Tous les clubs m'ont déjà bouqué. Yesh Kalmoya, ça y est. Même ta femme, j'ai fait twerker. Yesh Kalmoya, ça y est. Yesh Kalmoya, ça y est. Yesh Kalmoya. Un saut d'une minute, 10 000 showcase pour un ya. 100K sur Snapchat, même tes parents font le ya. Un saut d'une minute, 10 000 showcase pour un ya. 100K sur Snapchat, même tes parents font le ya. J'ai fait twerker. Yesh Kalmoya, ça y est. Yesh Kalmoya, ça y est. Yesh Kalmoya, ça y est. Toutes les gommes m'ont validé. Yesh Kalmoya, ça y est. Tous les clubs m'ont déjà bouqué. Yesh Kalmoya, ça y est. Même ta femme, j'ai fait twerker. Yesh Kalmoya, ça y est. Yesh Kalmoya, ça y est. Ça y est, toutes les gaules ont validé.